C'est maintenant que je viens te quitter, mais tous les mots viennent à manquer. Te dire que seuls resteront demain l'ombre de tes bras et ton parfum. J'ai dessiné une issue de secours sur mon parcours, pris un détour. Jardin glacial, garni de roses, où mon cœur lentement s'enfonce. Coupable d'avoir ouvert les yeux et provoqué cet inévitable adieu. Pardonne-moi si avec ces mots je dresse l'effrayant tableau.